Mais où sont les couverts? Y'a maman qui arrive, ma pauvre petite mère qui a fait le trajet de Brive pour voir son beau garçon et sa petite amie qui est encore en caleçon et qui vient juste de sortir du lit. Non mais vraiment, je vous jure. Dis-moi mon gros macho, as-tu vu ta dégaine? J'ai bien droit au repos, j'ai bossé toute la semaine. C'est sur toi ton labeur, ben c'est pas ça qui te fait mal, hein. Vive les 18 heures de l'éducation nationale. Là, première coupure. Bon bon, je n'insiste pas, tu as sûrement raison. Préparant le repas et la soupe de poisson, le gratin dauphinois aux délicieux gruyères. Elle va adorer ça, crois-moi, je connais bien ma mère. Deuxième coupure. Ah, personne ne mouffe encore. Bon. Ça y est, nous sommes enfin prêts à accueillir maman. Elle va être fatiguée d'avoir tenu le volant pendant une heure entière de sa petite Audi. Non mais vraiment, tu peux être fier de ta belle maman chérie. Allô maman? Oui, ça va? Tout va bien? Non. Le voyage? Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Oh non. Non. Non. Non. Oh non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non! Il a plus tout du long et ton père a ronflé. Oh, il fait froid dans le salon. Sa fouette le souffle de façon. De toute façon, j'ai plus très fort. Je n'ai plus envie de gruyère. Mon délicieux gruyère. Ta soupe et ton gratin, tu peux bien les foutre en l'air. Tu peux bien les foutre en l'air.